Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 4, Gaumet du Pré 1862. Question 24. De la prédestination du Christ. Il est exact de dire que le Christ a été prédestiné. Sa prédestination est le modèle et la cause de la nôtre. 1. Peut-on dire que le Christ a été prédestiné? L'apôtre le déclare formellement en ces termes, « Il a été prédestiné fils de Dieu dans la puissance. » Romains 1, 4. La prédestination est une préordination que la divine sagesse a établie dès l'éternité, touchant ce qui doit s'accomplir dans le temps par la grâce. Or Dieu avait décrété de toute éternité que, par une grâce appelée grâce de l'union, il y aurait un homme Dieu et un Dieu homme, car on ne saurait soutenir qu'il puisse acquérir de nouvelles idées. Si donc l'union des deux natures dans la personne du Christ a été l'objet de la prédestination, le Christ, sous ce rapport, a été prédestiné. Note. La personne qui a été fils de Dieu de toute éternité n'a pas toujours subsisté dans la nature humaine. De là cette parole de saint Augustin, Jésus-Christ a été prédestiné pour être simultanément fils de David par la chair et fils de Dieu par sa puissance. Fin de la note. 2. Cette proposition est-elle fausse? Le Christ, en tant qu'homme, a été prédestiné pour être le fils de Dieu? La prédestination convient au Christ à raison de la nature humaine, qui a été l'objet d'une telle exaltation qu'elle ne saurait être élevée plus haut. Dire qu'une chose convient à quelqu'un à raison de sa nature humaine, c'est évidemment dire qu'elle lui convient en tant qu'il est homme. Nous devons, en conséquence, admettre cette proposition, le Christ, en tant qu'homme, a été prédestiné pour être le Fils de Dieu. 3. La prédestination du Christ est-elle le modèle de la nôtre? Quoique Dieu ait prédestiné le Christ et nous par un même acte éternel, la prédestination du Christ n'en est pas moins le modèle de la nôtre sous un double rapport. Premièrement, quant au bien auquel nous sommes appelés. Jésus-Christ a été prédestiné à être fils de Dieu par nature, et nous à être enfants de Dieu par l'adoption, qui est une participation et une ressemblance de la filiation naturelle, comme on le voit par ses paroles. Ceux que Dieu a connus dans sa préscience, il les a prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils. Romains 8, 29. La prédestination du Christ est, en second lieu, le type de la nôtre quant à la manière d'acquérir les biens éternels par la grâce. En effet, dans le Christ, la nature humaine a été unie au Fils de Dieu sans aucun mérite préalable, et nous, comme le dit saint Jean 1, 16, nous avons tous reçu de la plénitude de sa grâce. 4. La prédestination du Christ est-elle la cause de la nôtre? Dieu nous a prédestinés comme enfants d'adoption par Jésus-Christ. Éphésiens 1, 5. Sans doute, à ne considérer la prédestination que dans le seul et même acte par lequel Dieu nous a prédestinés en même temps que le Christ, on ne saurait dire que celle du Christ a été la cause de la nôtre, mais, si on envisage la prédestination dans son terme, celle du Christ est manifestement la cause de la nôtre, puisque Dieu a résolu, dans ses conseils éternels, que notre salut s'accomplirait par Jésus-Christ. Note. Si le Christ n'avait pas dû s'incarner, Dieu ne nous aurait pas marqué l'incarnation comme le moyen d'arriver au salut, il nous aurait indiqué une autre voie. markemdanarchive.org 2021. D'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.